L'œuf de Pâques par Louis Ganderax. Lu par Christiane Johan. Ce matin de Pâques, sur le boulevard, j'étais arrêté devant la vitrine d'un marchand de chocolat, mais de ces chocolats de luxe qui diffèrent des chocolats utiles presque autant que la truffe de la pomme de terre. Dans l'ombre de la clôture à demi baissée, sur la tablette de cristal, un œuf magnifique s'ouvrait par moitié, douillettement ouaté de roses, fourmillant de jouets minuscules et de joujoux puérils en ivoire, en corail, en argent. La main d'une vendeuse s'approcha de cet œuf qui régnait parmi les autres comme le fruit d'une autruche énorme parmi ceux des dindes et des poules. Elle le tira et le fit glisser avec précaution. À sa suite, je coulai mon regard. Et qu'est-ce que je vis ? Sous un chapeau de paille à la mode, un visage de petite fille. Deux flots abondants de cheveux d'or, brillants de sève comme une crinière de lion, annelés comme une perruque Louis XIV, entre ses boucles, sous des sourcils bruns, des yeux d'un vert clair, limpides et profonds, un nez droit et ferme, sans mutinerie ni rondeur enfantine, des lèvres arquées, abaissées vers les coins, dédaigneuses. Oh, la fière petite princesse ! Mais derrière elle, à peine la dépassant, oui, c'est bien lui, je reconnais sa tête fine et souffreteuse, sa figure d'infirme et de pauvre, née pour être belle, mais développée timidement et comme ciselée encore par le souci. Je reconnais sa tempe couleur de cire et sa barbe rare sur sa joue creuse, et son épaule droite remontée par la béquille, et ses doigts menus et rapides, ses doigts d'artisan délicats. Oui, c'est bien eux qui tendent par-dessus le comptoir une pincée de piécettes jaunes. Comment cet impérial enfant a-t-elle pour compagnon ce triste air ? Et comment un pareil œuf de Pâques est-il payé par mon ami Rétu, dit l'hémistiche, compositeur d'imprimerie pour me servir ? Quand je dis mon ami, c'est une façon de parler. Je ne l'ai vu qu'une fois, l'autre hiver. J'avais reçu, avec un paquet d'épreuves, deux brochures et une lettre. La plus légère de ces brochures, une plaquette d'une dizaine de pages, avait pour titre Éloge de Victor Hugo, ode funéraire par Ambroise Rétu, Paris, 1885. Nous étions alors à peine remis des funérailles de ce grand homme. Sur la couverture de l'autre, on lisait « Fleur de Picardie, recueil de récréation poétique, honoré d'un prix d'encouragement par la Société académique du Noyonnais, Noyon, 1875 ». La lettre me faisait savoir que Rétu, Ambroise, depuis quelques mois, avait eu l'honneur de composer maints fragments de ma prose. Il s'excusait par cette raison de la liberté grande qu'il prenait de me soumettre humblement ses vers. Je lus d'abord l'ode funéraire où l'admiration la plus naïve pour Hugo se distribuait en strophes inspirées de Delille. Imaginez une apothéose de Delacroix figurée en tapisserie au petit point par une vieille demoiselle. À les feuilleter seulement, je jugeais les récréations poétiques. Idylle d'instituteur, rimée au retour de la promenade scolaire, irréprochable sans doute, en original, comme exemple d'écriture. Rapportant mes épreuves à l'imprimerie la semaine suivante, je demandai au metteur en page « Vous avez ici un nommé Rétu ?»« Oui, monsieur. Ah, je devine, il vous a envoyé ses vers. »« Justement, et qui est-ce ? » ?»« Un pauvre diable, un estropié, bon ouvrier d'ailleurs, et même supérieur à son emploi. » Personne ne se moquerait de lui s'il n'avait cette manie de se croire poète. « Petit poète, dit-il lui-même, mais enfin poète. Vous êtes plusieurs à qui, sans se cacher, il s'est avisé d'adresser toutes ses œuvres. Et depuis, chaque matin, les camarades l'interrogent. « Les compliments sont-ils arrivés ?»« Pas encore, fait-il, pas encore. » »« Le mien sera donc le premier. » »« Ah, monsieur, prenez garde, vous achèverez de lui troubler la tête. Sont-ils bons ou mauvais, ces vers ?»« Mauvais, n'est-ce pas ?» Et donc, ne voyez que ça, ne regardez pas si l'auteur est estropié. Ainsi conclut cet homme juste. Mais je conclus, moi, appelez-le, je vous prie. De sa voix forte, il cria, Rétu ! Le fossé d'un apprenti, à travers le brouhaha de l'atelier, siffla, Psst ! L'hémistiche ! Le metteur en page reprit, on l'a surnommé l'hémistiche parce qu'il n'a pour ainsi dire qu'une jambe. Et en effet, au bout de la salle, une tête penchée sur un casier s'était redressée. Un petit homme, du haut de son tabouret, s'était laissé choir. Il venait à nous aussi vite que pouvait le porter une jambe et une béquille, entre lesquelles la seconde jambe, demeurée courte et fluette, pendillait ridiculement. À deux pas de nous, il s'arrêta, inquiet, ému. Je me nommai, il rougit, je lui tendis la main, il la prit, en hésitant. « Monsieur Rétu, je tiens à vous remercier. J'ai lu vos vers avec plaisir. » Tandis que je parlais, je distinguai soudain, par une sorte d'inspiration ou de bonne volonté de ma mémoire, une pièce qui valait un peu mieux que les autres, une élégie où se devinait sous une expression surannée un sentiment sincère. J'ajoutai aussitôt « J'aime surtout la Scabieuse. » Il devint tout blanc, comme s'il allait s'évanouir. La sueur perla sous ses cheveux. Il bredouilla « Ah, monsieur ! Ah, monsieur !» De lui-même, cette fois, et par un geste vif, il saisit ma main, il la serra nerveusement, puis il pirouetta sur sa béquille et s'enfuit vers son pupitre. Depuis ce jour, j'ai pensé quelquefois à l'ironique destinée de ce petit homme, prêt à se consoler de la misère et du ridicule de son corps par l'exercice public de son esprit. Admis à cette joie par rares échappées, lorsqu'un prix décerné par une académie de province ou bien l'amas de ses piètres économies lui permet de faire imprimer ses ouvrages, est condamné tout le long de la vie à imprimer ceux des autres. Poète, si la mélancolie et l'amertume s'épanchaient naturellement en beau vers, il le serait sans doute, pauvre Rétu. Là, sur le boulevard, ma visite à l'imprimerie et toute l'existence de ce malheureux s'évoquaient en un seul moment de ma pensée, comme tout un paysage se reflète dans une prunelle. Cependant, la fière petite princesse apparut sur le seuil du magasin, tirant mon ami Rétu par le pan de sa redingote, si fort qu'il faillit tomber sur le trottoir. De la main gauche, il tenait l'œuf, suspendu par un nœud de satin rose. L'enfant commanda « Laisse, que je le porte !» Il répondit « Non, c'est trop lourd !» Mes ailes frappant du pied, crispant la narine, « Lâche-le !» Obéissant alors, il coucha l'œuf sur les bras de la fillette, comme un poupon difforme. Ensuite, il s'inclina vers elle. « M'aimes-tu ? » « Oui, tu n'es plus méchant. » « Un baiser pour ma récompense. » Bouche close, lèvres immobiles, elle tendit la joue, et ce fut lui qui donna le baiser. Lorsqu'il releva la tête, ses yeux rencontrèrent les miens. Il ôta maladroitement son feutre mou, et demeura comme au port d'armes, serrant sa béquille, confus, avec l'air d'un homme surpris en faute. « Bonjour, monsieur Rétu » m'écriai-je. « Faites-vous toujours des vers ?»« Oui, monsieur, mais pour moi seul. Ce n'est pas à l'intention de l'imprimeur, non, que j'ai cassé ma tirelire hier soir. Chaque samedi, depuis le jour de l'an, j'y mettais une pièce de 5 francs en or. Au jour de l'an, déjà, j'en avais cassé une, mais ce n'était pas non plus… Marche devant, Fifi !» C'est à vous, cette belle enfant ? Oui, monsieur, ou plutôt je suis à elle. Enfin, cela revient au même, n'est-ce pas ? J'attendis qu'elle s'expliquât, mais point. Par discrétion, tout en continuant mon chemin à côté de lui, je changeai de sujet. Et vous m'avez reconnu tout de suite ? Oh, monsieur, après 20 ans, je vous aurais reconnu. Pensez que je vous dois une des grandes joies de ma vie, une des rares. Vous êtes le seul de ces messieurs, le seul dont j'ai reçu un mot de sympathie. Qu'est-ce que je dis ? Un éloge. Et celui-là, justement, qui devait me toucher le plus, parce qu'il était sincère. L'éloge de la pièce que je savais la meilleure. Allez, monsieur, on juge bien ses œuvres, on se juge bien soi-même. Qu'est-ce que je suis ? Un petit poète, je le sais, un tout petit. Et pourquoi pas un grand ? Ah, pourquoi ? Apparemment parce que je n'ai pas l'âme assez grande. Mon Dieu ! Je sais faire le vers, et jamais je n'en ferai un de 13 pieds, non plus qu'un hiatus ou un enjambement. Mais j'aurais beau travailler des années et des années, et ne travailler qu'à cela, je n'arriverai pas plus haut. C'est même ce qui me console un peu d'être ainsi empêché. J'aurai le temps et l'argent, à quoi bon ? Voyez-vous, monsieur, tel cœur, tel poète, Victor Hugo était un grand cœur. Sans doute, sans doute. Il ne pouvait pas, cependant, l'auteur de l'art d'être grand-père, acheter pour ses petits-enfants des œufs de Pâques plus beaux que celui-ci. Vous me trouvez déraisonnable. Oui, cela doit être. Vous ne savez pas. Déjà l'année dernière, la petite avait eu envie d'un bibelot de cette espèce. Elle relevait de maladie. Je venais de payer le pharmacien. Je dus refuser. Elle m'a boudé pendant 15 jours. J'ai eu du remords pendant 6 mois. Aussi, à cette heure, je suis content. C'est son droit, cet enfant, d'aimer les belles choses. Regardez-la. et moi je lui dois bien un peu de complaisance quand je peux satisfaire son caprice. Vraiment ? Vous devez ? Elle n'a plus que moi. Et à qui la faute ? Ah, tenez, depuis que je suis à Paris, je n'ai jamais parlé de cela. Vous avez été bon pour moi, monsieur, cela me soulagera de vous conter cette histoire. Mais je devinais que la confession du poète serait longue. Je le priai d'entrer avec moi dans un café presque désert à 7 heures matinale. J'installai la petite fille à une table, un peu éloignée de la nôtre, devant une assiette de gâteaux et une provision de journaux illustrés. Et d'une voix basse, presque étranglée, Ambroise Rétu commença. « Je suis de Noyon, monsieur. Mon père était prote chez M. Vincent Delarue, imprimeur, derrière la cathédrale. Et son père à lui avait de même été prote chez le père de M. Vincent Delarue, et son grand-père compositeur dans cette maison. Ainsi, de génération en génération, les deux familles s'accompagnaient. Pour l'honnêteté, pour la considération même, l'une valait l'autre, mais chacune restait dans son ordre. Quoique nous eussions du bien, un peu de terre dans les environs, une petite maison dans le faubourg, et en dernier lieu quelques obligations de chemin de fer, nous n'avions jamais songé à devenir des bourgeois. Aussi, à 7 ans, les heures que je ne passais pas à l'école, je les passais à l'imprimerie. Je n'apprenais pas encore la composition, mais je rangeais en ligne et je ficelais en paquets les almanachs, les catéchismes du diocèse. Et 2 fois par semaine, je pliais le journal, la Gazette du Noyonnais, dont M. Delarue était le propriétaire, le directeur en titre, et en fait le seul rédacteur. Il découpait des alinéas dans 3 ou 4 feuilles de Paris. Mon père mettait en page cette série de citations, précédée d'un bulletin politique et suivie du compte-rendu des audiences du tribunal civil. Des incendies et des vols de lapins complétaient la Gazette. Billet hebdomadaire depuis 1789, et depuis l'institution des sous-préfets, honnêtement dévouée à la sous-préfecture dont elle publiait les annonces. Pour mes menues besognes, on m'avait assigné une sorte d'établi dans l'arrière-magasin, contre un vitrage badigeonné par où cette pièce prenait jour sur le jardin de M. Delarue. J'avais gratté le badigeon à la hauteur de mon œil sur un espace grand comme une pièce de 4 sous, et par l'ouverture ainsi ménagée, tout en maniant les cartonnages ou promenant mes doigts sur le journal humide, je glissais mon regard dans le jardin. Ce carré planté d'un platane et de quelques lilas me semblait un séjour féerique. C'était au moins le domaine d'une petite personne qui ne pouvait être évidemment qu'une filleule des fées. Elle avait 4 ans, peut-être. Oui, 4 ans alors. Mais la pureté, la netteté de ses traits, comme son air de commandement, était déjà d'une femme. Celle-ci, n'est-ce pas, qui marche devant nous, celle-ci est belle et ne paraît guère faite pour obéir. Elle ressemble à celle-là, comme une sujette à sa reine. Celle-là, je la sentais d'une autre race que moi, en ce temps-là. Pourtant, je n'étais pas infirme. D'une autre race que ses pères et mères, ce bon monsieur Delarue et sa bonne dame. D'une autre race, enfin, que tous les hommes et toutes les femmes que j'eusse jamais vues. Et la preuve pour moi qu'elle était étrangère à notre humble monde, c'est qu'elle vivait dans ce jardin comme une créature noblement inutile, sans jamais entrer dans cette caverne du travail où son père respirait avec nous l'odeur huileuse de l'encre, où sa mère elle-même apparaissait quelquefois. Cette adoration avait duré 2 printemps, 2 étés, l'hiver le jardin restait vide. Un soir d'avril, mon culte avait recommencé, j'entendis M. Delarue dire à mon père que le lendemain, sa fille visiterait l'imprimerie. Le lendemain, j'arrivai à l'atelier avec mes habits de fête, une blouse et une culotte en popeline, taillées et cousues par ma mère, d'un bleu tendre qui m'enchantait. Je filai entre les casiers en me garant des tâches, je m'assis à mon poste et je me tins quoi toute la matinée aux aguets. Soudain, la voix de M. Delarue me fit tourner la tête. « Eh bien, Ambroise !» Il était entré par le magasin et m'avait surpris. J'aurais voulu m'abîmer dans le sous-sol où grondait la machine. Elle était devant moi, ma petite reine. Son père jouait légèrement avec une boucle de ses cheveux d'or. « Eh bien, mon garçon, voilà une amie que je t'amène. » « Mademoiselle Betty, je la confie à ta sagesse. Tu vas lui montrer la maison. » Jamais, Seigneur, précédant une souveraine à son entrée dans une ville, ne fut plus fière que moi durant ce quart d'heure, ni plus confus, ni plus appliqué. Avec quelle sollicitude je la guidais entre les presses, je la préservais des courroies, je l'abritais de mes 2 bras arrondis autour d'elle. plus que dans son jardin, elle était en sûreté sous ma garde, dans ce dédale de choses trépidantes et mouvantes, ronflantes et sifflantes. Je ne trouvais rien à lui dire et j'enrageais de ma timidité. Elle ne me disait rien non plus et j'admirais sa réserve. À la fin, cependant, je résolus de lui rendre un hommage et de lui révéler mes talents. J'étais apprenti depuis 6 mois. Je composais tout seul en grande capitale cette phrase « Vive Mademoiselle Betty ». Comme je replaçais ensuite le bidon plein d'encre, elle me l'arracha prestement « Donne l'arrosoir !» et elle le lâcha. Oh, ma pauvre blouse, ma pauvre culotte bleu tendre ! Mais une idée domina ma douleur. Au moins, qu'elle ne pleure pas. « Ce n'est rien, » dis-je aussitôt, et je m'essuyai tant bien que mal avec mon mouchoir. « Là, maintenant votre main, continuons la tournée. » Mais elle, s'écartant de moi avec une petite moue, « Ah, l'orgueilleuse, la délicieuse petite moue !»« Non, merci, tu me salirais. » C'est ce printemps-là, justement, que je tombai malade, d'une maladie dont je ne me suis jamais bien relevée. Je ne m'en suis relevée que sur une jambe, comme vous voyez. Est-ce vraiment la suite de la fièvre typhoïde ? Avais-je auparavant un principe de rachitisme ? Peu importe. Un détail comique, monsieur, quand le médecin, harcelé de questions, déclara que ma jambe droite ne grandirait plus, ma mère fondit en larmes, sans bargouigner. Moi, je poussai ce cri. « Mère, je boiterais comme Lord Byron !» Faut-il le dire, je ne connaissais alors d'autres vers que ceux d'un recueil de cantiques et d'un recueil de fables, imprimés l'un et l'autre chez Delarue et employés dans mon école. Ces poésies me semblaient fort belles, mais mon père m'avait assuré que ce monsieur-là, dont la figure décorait notre salon, en avait inventé de plus belles. Or, cette figure était un portrait de Byron, une lithographie achetée par mon grand-père en 1823, alors que tous les typos de France étaient philhellènes. Byron, monsieur, je l'ai connu depuis par la traduction de Benjamin Laroche. Encore une belle âme, Byron, un vrai cœur de poète, n'est-ce pas votre avis ? C'est un cœur pareil qu'il fallait avoir, et ce n'est pas le tout de boiter, même de boiter plus bas que le grand homme. Pourtant, si je suis quelque chose, quelque humble petite chose, si j'ai formé des idées, éprouvé des sentiments un peu plus rares que je n'étais en droit de m'y attendre, c'est à mon infirmité que je le dois. À dater de cette époque, en effet, comme je ne promettais plus qu'un pitoyable ouvrier, à peine un homme, le patron et mon père ne me firent plus guère travailler à l'imprimerie, et me donnèrent pour compagnon à la petite fille. Compagnon d'études, cela va sans dire, plutôt que de jeu. D'ailleurs, je le crois bien, ces années-là se pressèrent. Quand je tâche de me les représenter, je ne les distingue plus, je n'aperçois que leur fuite. La petite fille, presque aussitôt, fut une grande fille. Et que n'apprit-elle pas ? Elle se montrait curieuse et comme ambitieuse de tout. On fit venir de Paris pour elle des maîtres de littérature française et de littérature étrangère. De science même, et, Dieu me pardonne, de philosophie. À chaque nouvelle connaissance qu'elle acquérait, elle semblait retrouver un des titres de cette noblesse dont sa beauté n'était qu'un signe. Ses parents la considéraient avec plus d'étonnement que d'admiration, avec un orgueil où se mêlait un peu de crainte. Ils cédaient cependant à ce goût de conquête et de parure intellectuelle, à cette espèce de zèle et de coquetterie de son esprit. Par miracle, apparemment, une telle fille était sortie d'eux. Ils respectaient ce miracle. Cette plante aristocratique avait jailli de ce fond bourgeois. Ce fond s'épuisait pour la nourrir. La fleur eût-elle exigé une rosée de diamants, la terre eût sué cette rosée. Au fait, si Mademoiselle Delarue ne portait pas de diamants, c'est que l'usage ne les permet pas aux jeunes filles. Mais ses robes, ses chapeaux, ses bottines venaient de Paris, et de chez le bon faiseur. Pas une épingle sur sa tête, non plus qu'une pensée dedans, qui fût de province. Aussi, dans la société de Noyon, elle était toujours plus isolée. Ses compagnes d'enfance disaient volontiers entre elles « Comment trouvez-vous Betty à présent ? Elle plaît aux hommes. Moi, je ne demande pas mieux que de l'aimer, mais elle nous méprise. » Et les mères échangeaient ces réflexions. « Mademoiselle Delarue est jolie, et bien mise, et instruite. Certainement, je ne voudrais pas que ma fille fût comme elle. « Ni moi !» Et tous ces colloques tendaient à cette conclusion. « Elle ne se mariera pas facilement. Elle ne se mariera pas du tout. À moins que le prince charmant ne tombe du ciel à Noyon pour épouser la fille d'un imprimeur. » Bavardage, envie, mais quoi ? Envie et bavardage ne se trompaient guère. Sur la place de l'hôtel de ville, pendant la musique, Les officiers de hussards et quelques hobereaux des environs rôdaient autour de Mademoiselle de la Rue. Et de même, dans les soirées dansantes, quelques jouvenceaux de la bourgeoisie, aucun ne s'arrêtait pour demander sa main. Ah si, dans une seule saison, il fut question de deux mariages. Un lieutenant, tout frais arrivé de Saumur, authentiquement vicomte, fit les premières approches. Dès qu'il fut un peu avancé, il jugea que la place n'était pas assez riche. Il leva le siège. Le fils d'un juge, qui venait d'achever son droit à Paris, témoigna des velléités. Aussitôt la famille, accointée de longue date avec les de la rue, déclara que le genre de Betty ne lui convenait pas. Pour guérir l'amoureux, on le fit nommer substitut dans le Nord. Elle, cependant, Betty, que pensait-elle de ses entreprises et de ses retraites? Elle paraissait n'en penser rien. Elle avait laissé négligemment son père et sa mère accueillir ces jeunes hommes, constater leurs défections. Elle était demeurée indifférente, comme s'il se fût agi d'une autre. N'est-ce pas à une autre qu'il devait s'adresser, ses prétendants trop indignes d'elle? Et moi qui ne la voyais plus tous les jours, mais qui lui prêtais et empruntais des livres et causais avec elle de nos communes lectures, je n'étais pas surpris de ce dédain. Et toutefois, je lui en savais bon gré. Il me semblait naturel et heureux que Mademoiselle de la Rue ne fût à personne. Peu après cette double aventure, un accident survint que vous n'attendez guère en cette histoire. Le 16 mai, vous savez bien le coup d'état du maréchal. Le nouveau sous-préfet, comme ses devanciers, avait la haute main sur la Gazette. Il jugea M. de la Rue trop débonnaire pour mener la campagne électorale. Il lui imposa un rédacteur de son choix, mandé on ne savait d'où, et qui, sans attache dans le pays, pourrait y manœuvrer plus énergiquement, le marquis d'Estrettefonds Nozac, un ancien officier de cavalerie. Beau gars, ma foi, longue moustache, blonde, taille cambrée, mollet saillant, chic militaire. Il avait quitté le service, disait-on, pour ne pas accepter un dernier passe-droit, ses opinions légitimistes ayant déjà trop nui à son avancement. Mieux fourni de parchemins que d'écus, il s'était résolu à écrire, comme autrefois certains nobles bretons, à faire le commerce maritime. Ceux-là, pour ce temps d'épreuve, déposaient leur épée à la porte du Parlement de Rennes. Celui-ci de même avait déposé son titre et presque son nom. Moyennant 300 francs par mois, il rédigeait le bulletin politique, favorable aux bonapartistes, et le signait simplement « Nozac ». C'était courageux et modeste. D'autre part, on racontait aussi que ce gentilhomme gascon n'était rien de ce qu'il prétendait être, excepté gascon. Oui, son père était du village d'Estrettefonds, et sa mère du bourg de Nozac. Mais avant lui, on ne connaissait aucun marquis de sa race, et il s'appelait de naissance Pagès ou Pajanque. Il n'avait jamais été que sous-officier, mais il avait contracté au régiment, d'où il était sorti à temps pour n'être pas cassé, des dettes supérieures à son grade. Calomnie, sans doute. Le journal de l'opposition, le pionnier Picard, ayant fait allusion à ces légendes, Nozac reprit l'épée pour répondre. Sur le terrain, il chargea son adversaire si vaillamment que sa lame se brisa sur une côte. L'article ainsi puni avait emprunté ce titre, le roman d'un jeune homme pauvre. Articles et duels ne firent qu'enfler la renommée du jeune homme. Il devint en effet pour notre petite ville un héros de roman. Le 14 octobre, malgré la Gazette, les Républicains l'emportèrent. Mais le 31 novembre, à la cathédrale, le marquis d'Estrettefonds Nozac épousait Mademoiselle de la Rue. Comment cela s'était-il décidé? Mon Dieu, je ne saurais le dire. Du jour où ce monsieur avait été reçu dans la maison, et comme quelqu'un de la maison, je m'étais fait plus rare. J'avais cessé même de m'asseoir le dimanche au dîner de famille. Sans doute monsieur et madame de la Rue, bonnes gens et un peu faibles, furent conquis par ce grand nom, par cette brave mine, par cette énergie. Pour elle, que voulez-vous, il était le fils de roi prévu ironiquement par les commères. Il entrait l'épée haute dans la cour de ferme pour réclamer peau d'âne, et la venger des rustres ou des robins et gentillâtres qu'il avait négligés, trahis. À son bras, elle redevenait princesse. Y avait-il d'ailleurs quelque doute sur sa qualité? J'imagine qu'elle accepta le risque avec courage et peut-être avec malice. Je ne sais quoi de scandaleux donnait à ce mariage devant la société que vous savez un plus bel air de défi. Enfin, j'y ai pensé depuis, et j'ai acquis cette conviction, elle l'aimait. Pourquoi? Ce n'est pas moi, monsieur, qui dirai pourquoi un homme est aimé. Je n'y connais guère. mais celui-là le fut, je le crois fermement, à l'heure où il fallait qu'il le fût. Je me suis fait cette idée plus tard, non par plaisir, pourtant je la préfère à une autre. Il me serait affreux d'imaginer qu'elle a dû se donner sans amour. Mais alors, je fus distrait de ces réflexions, et justement de la bonne manière. Que supposez-vous que je fis? Des vers? Oh, non pas, je n'avais point rimé d'épithalame. Je n'aurais pas consenti non plus, si j'avais du chagrin, à le mettre en quelques douzaines de syllabes. Il faut être un grand poète, voyez-vous, pour que cet emploi des sentiments ne soit pas une profanation. À un homme ordinaire, lorsqu'il a pareil souci en tête, ce qui vaut le mieux, c'est une besogne matérielle qui l'abêtit. Précisément, les affaires de la maison de la rue allaient mal. La sous-préfecture, après le 14 octobre, nous avait retiré les annonces, et le temps venait où l'on ne commandait plus de catéchisme pour les écoles. Cependant, le train personnel du patron et de sa famille, déjà déraisonnable, au dire des bonnes langues, devenait plus dispendieux sous le règne du marquis. Bientôt, il fallut congédier des ouvriers. Je me remis à la peine et je travaillai comme quatre. Mon père, fatigué depuis longtemps et maintenant affligé, inquiet, mourut d'une maladie de foie. Je le remplaçai. Dès lors, j'eus avec le marquis des relations quotidiennes. Un gaillard sans méchanceté, ancien osseur, calmé à présent, satisfait d'avoir bon souper, bon gîte et... Voilà comment je le jugeais. Peu à peu, il se déchargea sur moi du soin de faire le journal. Encore mal habitué, disait-il, aux travaux de cabinet, et fatigué par le tracas de ces maudites élections, dans la journée il chassait, il se promenait à cheval, et le soir il allait au cercle, menant la vie d'un véritable gentilhomme de petite ville. Par lui, naturellement, je fus ramené dans l'intimité de la famille. J'y retrouvai mon ancienne amie. Ancienne, oui, vraiment. De mon côté, point d'amertume. Quel tort m'avait-elle fait? De son côté, point de mauvaise grâce. Elle avait pris l'habitude, jadis, quelque différence qu'il y eût d'elle à moi, de me considérer comme quelqu'un. Cette habitude rompue, elle ne pouvait la renouer. Voilà tout. Un an après le mariage, elle eut une petite fille. Quand il s'agit de choisir le parrain, M. de la Rue, désireux de reconnaître mon dévouement, hélas, trop peu efficace, proposa d'un ton timide, sans aller plus loin, si nous prenions Rétu. La jeune mère répéta, ouvrant des yeux étonnés, « Rétu ?» Et ce fut le marquis, ma foi, qui s'écria gaiement, « Pourquoi pas, ce brave Rétu !» 4 années se passèrent sans événement. Le marquis faisait de fréquents voyages à Paris. Ne devait-il pas s'entretenir avec ses chefs politiques? D'aucuns prétendaient pourtant que l'intérêt du parti ne l'appelait pas tout seul. « Histoire de jupe, » dit quelqu'un, « plutôt qu'histoire de France. » Et à le regarder revenant de Paris, je croyais parfois à ses propos. J'étais surpris, indigné, à l'idée qu'un homme trompait une pareille femme. Et en même temps, j'aurais eu peine à dire pourquoi, je m'en réjouissais. Quant à elle, heureuse ou malheureuse, qui sait, elle ne se plaignait pas. Elle pouvait se taire par décence, orgueil, entêtement. Mais la vérité, sans doute, c'est qu'elle n'aimait plus. Un moment, par la magie de son illusion, elle avait élevé cet homme jusqu'à elle. Et puis elle l'avait laissé retomber, trop lourd. Et maintenant, elle demeurait au-dessus, bien au-dessus de la région où il s'agitait. Fidèle ou infidèle, qu'importait à sa femme? Et la sensation de cette indifférence, bien qu'elle ne fût accompagnée de l'espoir d'aucun profit, m'était encore une douceur. Je ne saurais expliquer autrement cette sorte de sécurité nouvelle où je vivais. Ma torpeur devenait presque une béatitude. Ma torpeur, est-ce le mot? Mon cœur, du moins, était engourdi par le bruit qui se faisait dans ma tête. Un continuel tapage d'usine. Chaque jour, je besognais davantage. Autour de moi, chaque jour, glabauderie croissante sur le désordre et l'imprudence du jeune ménage et des parents. À vrai dire, quand j'y prêtais l'oreille, cette rumeur ne me chagrinait pas. Des questions d'argent pouvaient-elles toucher ma déesse? En robe de laine, elle serait toujours aussi belle, toujours le même esprit logerait dans sa tête. Eh bien alors? Au surplus, si son mari l'appauvrissait un peu, il ne me déplaisait pas qu'il eût ce tort, joint à quelques autres, envers elle. Et s'il la réduisait à la misère, ou pour ce cas, je me délectais à rêver de dévouement chimérique. Un matin, cependant, Je croyais notre homme à Paris, on le rapporta sur un brancard. On l'avait trouvé non loin de la ville, au revers d'un fossé, le nez dans l'herbe, le crâne broyé par toute la charge de son fusil que la bretelle retenait encore à l'épaule. La secousse du seau, probablement, avait fait partir le coup. Seulement 2 heures après, on sut qu'il était revenu de Paris la veille, qu'il était allé directement de la gare au cercle, où d'abord il avait paru préoccupé, qu'il avait joué toute la nuit à banque ouverte et qu'il avait perdu 30 000 francs, sur parole. Au petit jour, il était rentré chez lui, avait changé de vêtements et était parti pour la chasse. Le soir, M. Delarue m'envoya chercher. Il avait passé l'après-midi à examiner des papiers avec un de ses amis, le juge dont le fils avait failli naguère épouser sa fille. Le jeune homme, une fois sauvegardé, Betty mariée autrement, les familles, après cette alerte, s'étaient rapprochées avec plus de tendresse. Il y avait donc là M. Delarue, pâle, les joues tombées, les lèvres molles, comme un vieillard mal remis d'une apoplexie, Mme Delarue, le visage noyé, les mains jointes et tremblantes, Betty, les yeux secs, le front haut. Le juge, enfin, avec l'air important d'un homme qui voit ses prédictions justifiées. Il paraissait présider, il rompit le silence. De son discours, il résultait que la fortune de M. Delarue et de sa femme, par des engagements pris en commun avec leur gendre, était compromise, l'honneur commercial menacé, la dot de la jeune femme anéantie. Quant aux dettes personnelles du marquis, impossible encore d'en déterminer le total, mais d'ores et déjà, une chose pouvait se dire, et le juge l'a dit en ses propres termes, « Heureusement, la somme est si forte qu'on ne peut songer à la payer. » Madame d'Estrottefond répliqua seulement, « Je voudrais qu'on payât au moins la dette de jeu. » Le juge haussa les épaules et personne n'ajouta un mot. Le lendemain, le journal adverse publiait un article, que vous devinez, « Les dettes d'honneur ». Le surlendemain, à l'heure de l'enterrement, la gazette du Noyonnais paraissait encadrée de noir. Aussitôt après le bulletin, cet entrefilet, la bonne foi d'un de nos confrères a été surprise, nous ne connaissons pas une dette d'honneur qui ne soit payée. Avec l'approbation de ma mère, la veille, j'étais allé à Paris. Combien de fois dans le trajet, j'avais palpé une liasse de papier qui gonflait ma poche. Mes obligations, monsieur. Je n'eus jamais tant de plaisir à les manier. Et le soir, sans consulter M. Delarue, j'avais couru, comme de sa part, chez le secrétaire du cercle. Aussi, à l'enterrement, je l'avoue, j'étais heureux, et j'avais de la peine à cacher mon bonheur. On a beau faire, on est égoïste. Mais qui fut gêné au retour du cimetière? Moi, monsieur, quand Mme d'Estrottefond me fit appeler. Je la trouvai entre ses parents, debout, très pâle, une main sur la tête de sa petite-fille, qui se cachait entre les plis de sa robe de deuil. Elle me tendit l'autre, avec un air d'impératrice régente. Je balbutiai. « Vous ne m'en voulez pas ?» Elle répondit simplement. « Je vous remercie. » Son père m'embrassa en pleurant. Elle exigea séance tenante qu'il me signât une reconnaissance de la somme. Pauvre monsieur Delarue. Pour ce que valait sa signature à cette heure, je pouvais bien l'accepter, et je l'acceptais avec joie. J'étais bien aise que sa fille eût proposé cet expédient et qu'elle en fût la première dupe. J'avais eu si peur de l'humilier. Il fallut 18 mois, monsieur, pour débrouiller ses affaires. Moi, pendant ce temps-là, je m'acharnais à relever la maison. Monsieur Delarue n'avait plus la force de s'occuper de rien. Mais sa fille se montrait touchée de mon zèle et sa vue entretenait mon courage. Elle semblait dire « pauvre garçon ». Pas plus, oh non, elle ne m'a jamais menti. Mais cela suffisait. Après ce répit, dans un nouveau conseil de famille, la vérité se fit jour, toute la vérité. Non seulement M. Delarue était ruiné, non seulement il devait abandonner à ses créanciers le journal et l'imprimerie, mais, après tant de sacrifices, il ne serait pas sauf. Le juge prononça le mot sinistre, la faillite. À ce coup, M. Delarue ferma les yeux, sa fille frissonna. Je rassemblai alors toute mon audace. Je demandai qu'on me laissât seul avec le patron. Aussitôt, on m'accorda ce tête-à-tête, comme auprès d'un malade désespéré, on laisse entrer une bonne femme qui vient proposer son remède. « Prenez-moi pour associé, » dis-je à M. Delarue. L'ennemi patientera jusqu'à la vente de ma bicoque et de mes terres. Cette vente suffira. Nous garderons l'imprimerie et referons fortune. Voilà une combinaison où tout le monde trouve son avantage. » Mais le brave homme secoua la tête. Mon enfant, nous ne t'avons que trop dépouillé déjà. C'est le plus cuisant de mes remords. Tout ce que je puis obtenir, c'est qu'il parlerait de ma proposition à sa femme dans la soirée, sans témoin. Je comptais sur Madame de la Rue et sur les réflexions de la nuit. Cette nuit passée, Dieu sait dans quelle fièvre, j'accours chez le patron et sa première parole me glace. Non, c'est impossible. Madame de la Rue pense comme moi. Tu as déjà fait plus qu'un ami et tu n'es pas de la famille. Il ajoute, ah, si tu en étais. Si j'en étais, oui, ce serait le seul moyen. Je murmure, comment? Il continue, si tu étais mon gendre. Interdit, je répète, comment? Comment? Il réplique avec un sourire, parbleu, en épousant Betty. Vous me croirez, si vous voulez, monsieur, c'est alors seulement que je m'aperçus que je l'aimais. Épouser Betty, moi? C'était possible? Elle était donc une femme pour moi? J'étais un homme pour elle? En ce cas, cet homme appartenait à cette femme, et oui, depuis longtemps. J'admirais ma chance, n'avoir pas connu mon cœur durant de si longues années où je n'aurais pu qu'en souffrir, et le connaître à présent, à l'heure même où je pouvais être heureux, tellement heureux par lui. J'étais comme transporté sur une montagne d'où je découvrais le paradis. Je me rappelais soudain que je l'avais toujours convoité. Une voix me soufflait à l'oreille. « Il est à toi. » Et, un moment après, quand Betty mit sa main dans celle de son père, je n'en retirai pas la mienne. Le temps des publications légales, 3 semaines, 1 mois, je ne sais plus, ne me dura pas 1 heure. Je marchais sur les nuées, oui, sans béquilles, je ne sentais plus les miennes. Je contemplais Betty et ne la voyais pas. J'étais ébloui. Le mariage à la mairie, devant les 4 témoins et les parents, à l'église, la même assistance, une messe basse, tout cela, je ne m'en rappelle rien, sinon que j'entendais les paroles des autres sans les comprendre et que le son de ma voix à 2 reprises quand je dis oui me surprit sans me rendre la raison. J'étais à peu près comme dans ces nuits où l'on rêve qu'on se réveille. Le sommeil alors n'est pas moins profond. Au contraire, cette journée, dans mon souvenir, est noyée d'une brume jusqu'au soir où un éclair déchire le voile. À sa lueur, je revois tout. Tout ce qui fut de cette minute, le gland de la cordelière qui pend sur le peignoir de Betty en coulant de ses hanches, la ruche de son corsage autour de son cou, et surtout, surtout ce visage, plus pâle que ce vêtement de laine pâle, achevant cette forme qui se dresse dans la chambre, à mon entrée, comme un fantôme de femme surprise, effrayée par quelque chose qu'elle attendait, mais qui ne devait jamais venir. J'avance, je tends les bras, ou plutôt les lèvres. Elle recule, les yeux élargis, la bouche béante et muette, les mains abandonnées, tout d'une pièce, oui, comme un fantôme qui glisse. Elle recule. J'avance toujours. Elle recule jusqu'à la fenêtre ouverte. Derrière elle, j'aperçois le platane du petit jardin, où elle m'apparaissait tout enfant, déjà mon idole. Je reconnais sur le ciel noir la silhouette de cette grosse branche. Dieu, sur le ciel, la figure se renverse, la taille plie en arrière, la jupe tournoie. Ah, misérable infirme, je veux m'élancer, je bats l'air des 2 mains, je tombe en deçà de la fenêtre, en deçà, hélas. Lorsqu'on m'eut relevé, ranimé, moi, et pas elle, on l'avait trouvée gisante, les reins brisés, morte sur place, on crut que j'étais fou, je l'avais été bien plus tôt, pendant 2 semaines. Comment voulez-vous? Elle et moi, malheur. Mes beaux-parents, oui, j'étais leur gendre. Ah, les pauvres gens, ils n'ont guère survécu à leur fille. Et c'est tant mieux qu'il faut dire. Tant mieux pour moi, d'abord, ils ne m'accusaient de rien, mais au fond du cœur, m'auraient-ils pardonné? Non, voyez-vous, la mère au moins jamais. Et son regard me pesait trop lourd. Ensuite, pour eux, à quoi bon traîner leur chagrin et le traîner dans la gêne? Ni le père, ni moi, vous pensez, nous n'avions plus la tête à nos affaires. Nous ne pûmes que vendre l'imprimerie, après mes biens, à temps pour sauver l'honneur. La maison de la rue et Rétue n'a pas fait faillite. Même après cette liquidation, nous vécûmes ensemble, chez ma mère, d'une vie de petit rentier. Pour 2 mois, c'était possible. Nous étions là comme une famille en convalescence. Eux, les bonnes gens, furent bientôt guéris. Oui, de la seule manière, guéris. De la vie. Moi, cependant, il me fallut chercher du travail. J'avais la petite à élever, la fille de l'autre. Mais non, elle n'est que l'enfant de Betty. Voyez comme elle lui ressemble. À Noyon, n'est-ce pas, c'était trop dur de retomber sous un patron, sous mon successeur ou bien sous le rival. Et tenez, je ne vous dis pas la véritable raison. Je suis venu à Paris, monsieur, parce que je ne m'entendais plus avec ma mère. Elle me reprochait de gâter la petite. Hé, Fifi, tu t'ennuies ? Le récit du malheureux, en effet, avait trop duré. La fière petite princesse avait achevé de manger les gâteaux et de regarder les images. Depuis combien de temps était-elle ainsi, grave, immobile, isolée autant que Rétu et moi, pour le moins, dans l'animation du restaurant où les déjeuners commençaient ? Indifférente à l'entourage, elle se considérait dans la haute glace, appliquée en face d'elle, sur la muraille. Elle se tenait accoudée, la joue appuyée à sa main, avec une attitude un peu précieuse de grande personne, de femme. Elle avait oublié son poupon difforme, enrubanné de satin, son œuf de chocolat posé auprès d'elle sur la banquette. « Hé, Fifi, à quoi penses-tu ? » « À rien. » Je payais, nous sortîmes, et je fis 100 pas à côté de Rétu, en silence. La petite marchait devant nous. À l'angle d'une rue, elle s'arrêta soudain, les yeux braqués sur une vitrine. Encore des chocolats. Un magasin plus riche que l'autre, tout éclairé de cristaux et de dorures récentes. Juste au milieu de ce salon, sur un trépied de bambou solide, trônait un œuf de Pâques. Un monument, celui-ci, un prodige. L'œuf du fabuleux oiseau roc. Allons, Fifi. Mais l'enfant, achète-le-moi. Rétu sourit mélancoliquement. Celui-ci est trop cher pour nous. La jolie bouche, aux coins abaissés, commande. Achète-le, je le veux. La figure souffreteuse devient vraiment triste. Allons, ma chérie, allons. Et, comme doucement, il essaie de la pousser, la fillette secoue la caresse de l'infirme. Non, tu dis non. Je ne peux pas. Eh bien alors, lâché par les deux petites mains, l'œuf au ruban rose tombe lourdement et se brise en miettes sur le sol. Ma foi, je levai le bras. Heureusement, je retins mon geste et je vis que Rétu avait levé le bras à lui aussi, mais pour cacher son visage dans le pli de sa manche. Il pleurait. J'étais embarrassé, embarrassant. Par lâcheté, par discrétion, sans dire adieu, je traversai le boulevard. Et, de l'autre trottoir, j'aperçus encore devant le beau magasin la crinière dorée de la petite fille qui regardait impassiblement le joujou épars à ses pieds et, la masquant un peu, une épaule remontée par une béquille, agitée par des saccades de sanglots, l'épaule d'Ambroise Rétu, dit l'hémistiche, demeuré petit poète parce qu'il n'avait pas un assez grand cœur. Louis Gandérax.